Le 28 novembre était la dernière journée que le capitaine de Sentis dut passer au château. On ne chassa pas ce jour-là. Monsieur de Morescan était allé le matin, après déjeuner, surveiller des réparations qu'on faisait au pavillon de son garde. Pour rentrer au château, il avait coutume, en quittant les grandes avenues du parc, de prendre une allée qu'on appelait l'allée de Diane et qui abrégeait le chemin. Elle traversait un épais bosquet qui était un coin de l'ancien parc et dont on devait faire un verger. En attendant, il restait à l'état sauvage et formait une sorte de petit bois sacré, très solitaire. L'allée de Diane devait son nom à une vieille statue dont le socle seul était demeuré debout, la tête de la déesse ayant roulé dans l'herbe. Un lieu si retiré et si mystérieux était tout propre à des promenades et à des confidences d'amoureux. Mais ce fut pourtant une bien grande imprévoyance de la part de Jeanne de Morescan de l'avoir choisie ce matin-là pour théâtre de ses tendres adieux à l'officier de chasseur. Elle n'ignorait pas l'excursion matinale de son mari à la maison du garde. Elle savait quel chemin il devait suivre pour en revenir. Comment pouvait-elle pousser l'aveuglement de la passion jusqu'à oublier qu'il passerait vraisemblablement par cette allée à l'heure même où elle y avait donné rendez-vous à monsieur de Sentis? Quoi qu'il en soit, ils étaient là, elle et lui, fort occupés l'un de l'autre. Ils avaient pris place côte à côte sur un vieux banc rustique, ménagé dans une rotonde de verdure, en face de la statue renversée. À la veille de son départ, l'officier se montrait plus pressant, Jeanne plus faible. Ils se parlaient à voix basse, se tenaient la main, et leurs visages se touchaient presque, quand monsieur de Sentis surprit dans les yeux de madame de Morescan une étincelle subite, une flamme, qui évidemment ne s'adressait pas à lui. Se retournant vivement du côté du bois, il suivit la direction des regards de la jeune femme, et il vit, un peu confusément, à travers les arbres, vers l'extrémité de l'allée, un homme qui paraissait hésiter à avancer. Puis brusquement cet homme tourna le dos, prit une autre route et disparut dans le fourré. Monsieur de Sentis avait cru reconnaître monsieur de Morescan. « N'est-ce pas votre mari ? » dit-il à Jeanne. « Oui. » « Croyez-vous qu'il nous ait vus ? » demanda-t-il. « J'ignore, » dit Jeanne, « mais s'il nous a vus, c'est un lâche. » Qu'il les eût vus ou non, monsieur de Morescan rentra tranquillement au château par les avenues plus longues, mais plus commodes, du parc moderne. Il sortit de nouveau presque aussitôt et passa le reste du jour à inspecter ses plantations et ses coupes de bois. Il ne reparut qu'au premier coup de cloche du dîner. Ce fut peut-être par un effet de la prévention que le capitaine de Sentis, en descendant au salon, crut remarquer dans l'accueil de son hôte un peu de contrainte et une certaine altération dans ses traits. On alla dîner. Il y avait une vingtaine de convives à table. On se formalisa un peu de voir madame de Morescan placer à sa droite le capitaine de chasseurs, qui était parmi ses hôtes un des plus jeunes et un des moins considérables. Mais il partait le lendemain, et cette circonstance expliquait, jusqu'à un certain point, l'honneur excessif qu'on lui faisait. Soit que ce détail d'étiquette eût mécontenté un certain nombre de convives, soit qu'il y eût dans l'air un de ces vagues malaises précurseurs des orages, le commencement du dîner fut silencieux et glacial. Mais l'abondance et l'excellence des vins, qui arrosaient une chair exquise, ne tardèrent pas à chasser ces brouillards, à éclairer les fronts et à réveiller les esprits. L'animation de l'entretien finit même par atteindre un diapason plus élevé que de coutume, comme il arrive assez fréquemment quand on a dû faire effort pour vaincre un premier moment de froideur et d'embarras. Bref, ce dîner, qui avait débuté sur le mode funéraire, se terminait en un brillant repas de chasseurs et de viveurs, dont la présence de quelques jolies femmes surexcitait la belle humeur. Monsieur de Morescan lui-même, qui buvait sec à son ordinaire, mais qui ce soir-là avait vidé son verre plus souvent que de raison, semblait délivré des nuages qui depuis quelque temps pesaient sur son esprit. Peut-être fêtait-il secrètement dans son cœur le départ prochain d'un hôte incommode. Il avait repris en tout cas son ton d'assurance et d'autorité, et il voulait bien communiquer à ses hôtes, de sa voix grasse et triomphale, quelques-uns de ses principes et de ses systèmes favoris.